Pour tous vos problèmes en électricité, c'est les électriciens du Nord qu'il faut contacter. Une équipe d'expérience qui est en affaires depuis 40 ans et saura bien vous conseiller pour vos différents ennuis. Nous faisons la vente d'équipements neufs ou usagés au niveau résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel. Les électriciens du Nord, c'est au 1025 Première Rue à l'Ascension, au numéro de téléphone 418-347-5103. Le propriétaire des électriciens du Nord, M. Ghislain Tremblay, rappelle qu'acheter localement protège notre économie. On va parler de la Ligue nord-américaine de hockey avec Monsieur Ligue nord-américaine qui est de retour, Gilles Péloquin. Bonjour Gilles. Hey, bonjour Denis. Gilles, question que je me posais, je t'ai posé en dehors des ondes, puis je vais t'apposer en ondes aussi. Les matchs sur le web, c'est-tu disponible sur le téléphone? C'est-tu disponible? Y a-t-il une application de la Ligue nord-américaine avec des notifications? Ça existe-tu ça du côté de la Ligue nord-américaine? Que l'on dit intelligent. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème si vous faites le www.lnah.com. Vous allez arriver sur la page d'accueil du site actuel de la Ligue nord-américaine et vous avez au milieu l'onglet qui vous indique très, très bien que vous pouvez cliquer et obtenir justement le match en cours. Et si vous allez sur mediaendirect.com, c'est la même chose. Vous allez tomber directement sur le match en cours le soir d'un match. Comme exemple, vendredi, il est 19h45, vous allez sur www.mediaendirect.com ou www.lnh.com. Vous allez tomber directement sur le match et l'avant-match, les écoutes vestiaires et les entrevues avec les joueurs. Et tout au long du match, puis parlant justement de ces matchs, ça fait 10 maintenant, les 24 cette saison. D'ailleurs, bon papier ce jour dans le quotidien de Chicoutimi-Jonquière, Saguenay, avec Phil Desgagnés, qui mentionne justement ces matchs qui permettent de découvrir davantage la Ligue nord-américaine et en même temps de faire connaître, à raison de 8-10 entrevues par soir de match les vendredis, des joueurs qui étaient connus, mais peut-être pas autant, qu'ils ont la chance maintenant de s'exprimer et de parler eux et de leur passé et de leur carrière actuelle. Et on a entre 2004 et 2500 clics pour la soirée, entre 20h et 23h, Danny, depuis le début, ce qui est pour nous, Alain Fortier à MediaEnDirect.com, et moi, pour la Ligue nord-américaine, vraiment quelque chose comme producteur que je suis, très, très satisfaisant, parce que à 500-600, on aurait été content pour amorcer cette nouveauté, mais déjà de voir l'engouement. Et je prends un exemple, il y a un certain vendredi, Rivière-du-Loup, il y a 2 semaines à peine, jouait à Sorel-Tracy. Ils n'ont pas, tout comme Trois-Rivières, de radio sur la route cette saison pour diffuser leur match à l'extérieur. Mais les gens pouvaient, et il y avait au moins 500-600 partisans des Trois-Îles de Rivière-du-Loup qui ont suivi le match présenté ce soir-là et qui ont vu et entendu et ont pu suivre le match de leur Trois-Îles. Ouais, OK, donc c'est bon ça. Donc, on peut aller sur le site mediaendirect.com pour pouvoir l'avoir sur le téléphone. Gilles, je veux te parler des suspensions. Il y a eu beaucoup de suspensions cette semaine. C'était la semaine des suspensions, quoi? Ben, il y a eu des suspensions depuis 2 semaines. Ça continue. On sait qu'avec le match Rivière-du-Loup-Sorel, l'entraîneur Simon Turcot avait eu un match de suspension. On avait eu également, pour Rivière-du-Loup, Samuel Lévesque, 5 matchs pour inconduite grossière. Il en a purgé 2 à ce jour. Son 3e serait vendredi à Trois-Rivières. Max Villemer en a eu 8. Il en a 2 de purgé pour inconduite grossière. Donc, c'est pour aller dans les gradins avec les spectateurs dans le cas des 2 individus. Et lui aussi pourrait manquer un 3e match vendredi du côté de Trois-Rivières. Olivier Davaux, il a purgé son match de suspension et Kevin Veilleux a aussi purgé son match de suspension. Cette semaine, c'est ajouté avec les incidents de la semaine dernière. Par exemple, Bobby Barry, l'entraîneur de la Surantia, qui lui a déjà 1 des 2 matchs de suspension parce que joueur agresseur dans les 5 dernières minutes, c'est-à-dire on ne contrôle pas son banc, donc l'entraîneur, malheureusement, à cause d'un joueur qui se bat, ben, il est cop. Et Bobby Barry a eu un match Il en a un deuxième. Le deuxième est jeudi soir lors de l'affrontement Thetford à Sorel. Et vous avez également Patrick Lapostol pour le coup l'FM de Saint-Jean. Lui va commencer en fin de semaine le premier de trois à la fin. OK. Donc, les copes également de pénalité. Et je peux te dire là, que depuis le 10 novembre, là, c'est au moins une dizaine de cas rapportés et deux matchs. Ouf. Ah, et monsieur, donc, on n'y est pas avec le pas, comme qu'on dit. Est-ce que c'est plus que l'année passée, pareille date? Ça a changé au frais de la direction? Oui, ça... avec l'arrivée du nouveau préfet de discipline, on n'entend plus rire, on ne donne pas de la chance aux coureurs. On veut une ligne propre, une ligne en santé, une ligne qui va très bien. Ouais. Et comme le rapporte, parce que tu es au Saguenay, le papier de Phil Desgagnés aujourd'hui, il m'a écouté vendredi dernier lors du match que j'ai fait à Jonquière avec les étudiants. Et à pareille date l'an passé, après 37 matchs, eh ben, on a une moyenne seulement inférieure à 60 spectateurs par match. Donc, arrêtez de me dire que c'est à cause qu'il n'y a pas de bagarre cette saison dans la Ligue nord-américaine ou qu'il n'y a plus de goût dans la Ligue nord-américaine. Il y a divers facteurs selon les endroits, que ce soit dans des territoires où il y a eu la chasse, dans d'autres où il y a eu une baisse de température trop clémente en octobre et la neige qui ne fait que commencer. Moi, je pense qu'avec l'arrivée de décembre en fin de semaine, on va revenir. C'est une moyenne environ d'année de 1100 par année. On est à 10,68 en ce moment. Donc, on est après 40 matchs environ à moins 40 sur l'an dernier par partie, si on veut. Donc, moi, je pense qu'on va remonter. Et plus qu'on a d'excellents matchs, cette belle parité également qu'on a dans le circuit cette saison, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au classement, c'est plus corsé que jamais. Thetford, qui n'a que 2 points d'avance sur Jonquière, 5 sur Sorel et Rivière-du-Loup. Saint-Georges, qui s'amène de nulle part en un mois, est allé chercher 10 gros points de classement. Bon, il y a Trois-Rivières qui végètent un peu, mais c'est les 6 équipes qui font les séries cette année. Il ne faut pas l'oublier. Et ce qu'on va retenir, c'est pas le gars qui va finir premier, deuxième ou troisième au classement général. C'est celui qui va gagner la Coupe Verdure. Effectivement. Mais ça va avec la tendance. Hein. Il y a une tendance dans le sport professionnel, Gilles, la Ligue nationale, le baseball, le football, même la NFL, il y a une tendance à la baisse. Donc, ça va vraiment avec ce qui se passe dans le monde du sport actuellement. Il y a une tendance vers la baisse. Oui, il y a beaucoup de chômage. Il y a beaucoup d'usines qui emploient moins de gens à certaines périodes de l'année qui ont des employés en chômage ou qui, malheureusement, sont mis à la retraite ou perdent leur emploi. Et parlant de la Ligue junior majeure du Québec, je te donne un cas bien toi ici. Sherbrooke, on s'attendait à 3005-3006. Dernièrement, on a joué devant 2000, 2100, 1900, 1800. C'est pas le hockey d'il y a 4-5 ans. On avait des 4000 spectateurs par match au Palais des Sports de Sherbrooke. Donc, aussi dans le média de 3A, on s'interroge. J'ai lu dernièrement que c'est incompréhensible que des équipes, exemple, comme Magog ou Saint-Hyacinthe, jouent devant 200-300 spectateurs, quand habituellement, on en avait 500-600. Donc, là aussi, il y a une baisse de moitié enregistrée. On a le même phénomène dans le junior 3A. Tu as parlé du sport professionnel. Donc, c'est généralisé. Donc, arrêtez de me parler de la Ligue nord-américaine qui est en baisse parce qu'il n'y a pas de bagarre. Oui, il y a, mettons, 20-25 fans par aréna qui aimeraient encore avoir ça. Mais la tendance nouvelle, c'est d'aller chercher la famille, c'est d'aller chercher les jeunes. Et c'est par le beau produit qu'on voit, comme le match de vendredi dernier à Saguenay entre Sorel et les Marquis et les arrêts époustouflants d'un côté de Charles Courcy ou de Cédric Desjardins. Et un match qui a duré 2h26. Ça, c'était un vrai match digne des séries en saison régulière. Oui, effectivement. Je veux te parler maintenant des joueurs de la semaine. Donc, les joueurs de la semaine dans la Ligue nord-américaine, qui sont? Ben écoute, les joueurs de la semaine dans la Ligue nord-américaine, moi, je peux te dire qu'en ce moment, on aurait pu en nommer plusieurs parce que on parle de parité en cette année. Ben, il y a justement des gars qui se démarquent, mais malheureusement, tu ne dois qu'en donner que 3. OK. Maxime Lecour a eu quand même 5 points. Un peu, oui. C'est pas premier rang pour rien. Et s'il y a un gars qui avait été, à cause qu'on n'en nomme que 3, un peu laissé de côté depuis le début de la saison, c'était lui. Mathieu Gardin, écoute, Trois-Rivières, c'est incompréhensible. Là. Et je pense aussi à Francis Wattie. Oui, Devin Pass, oui. Ce gars-là a joué 4 matchs, 3 des 4 matchs, il y a 2 fois 2 buts. Et Wattie est entraîneur associé avec les Olympiques de Gatineau dans la Ligue junior majeure du Québec. Quand tu penses à Trois-Rivières qui est dernier et que tu sais qu'ils ont 5 joueurs qui ont plus de 10 points cette saison, tu penses par exemple à Gertin qui en a 12, tu penses par exemple également du côté de Trois-Rivières à Bellemare qui en a 17, je pense aussi à Yannick Tiffu qui en a 12, Alex Imbeau, Jérémy Villot-Bélanger qui en ont 11, Nicolas Corbeil 11 également, ben c'est 5 noms que je viens de nommer sont dans le top 25 de la Ligue nord-américaine. Puis quand on pense à Maxime Lecourt, ben, il ne faut pas oublier que lui est dans l'ombre des 3 meilleurs marqueurs de la Ligue, Tourigny, Veilleux et Damour à Rivière-du-Loup. Puis après, tu as 3 joueurs de Thetford, Deschâtelet, Beauregard, Courcelles, Tremblay, Machanauer. Hey, dans les 9 premiers, tu as 6 Thetford versus 3 Rivière-du-Loup. Et là, tu as le premier de Jonquière, qui est 11e, James Desmarais. Donc, il y a une belle parité entre ces joueurs cette année. Effectivement. Gilles, ça fait pas mal le tour pour cette semaine? Oui, il faut dire qu'en fin de semaine, on a de gros matchs qui pourraient changer un petit peu le scénario. On n'a qu'à penser jeudi, Thetford-Sorel. Ouais. Sorel qui s'est fait démolir 2 fois cette saison. 7-1 à Thetford et 6-3 chez lui par l'Assurantia. Rivière-du-Loup-Trois-Rivières, c'est important pour Trois-Rivières de ne pas rester dernier, d'aller chercher la victoire. Jonquière, Thetford, ça va être un classique le 1er décembre, vendredi. Et que dire Sorel, Rivière-du-Loup, avec les derniers incidents à Sorel, il y a 2 semaines. Là, on s'en va du côté du Bas-Saint-Laurent. Et tu vois également Trois-Rivières, Jonquière. Donc, il peut y avoir quelques petits changements en tête. Et Jonquière peut peut-être se faufiler dans Thetford. Et la semaine prochaine, on pourra parler de ton équipe qui est en tête dans la Ligue nord-américaine. Et les Marquis de Jonquière. Gilles Péloquin, on t'écoute sur le web vendredi soir. Donc, et on s'en reparle mardi prochain. Avec plaisir, bonne semaine. Notre collaborateur Gilles Péloquin.